Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse L'espionnage sur écoute, une série d'Amaury Chardot réalisée par Julie Béressy. Au départ de cette série, il y a des fantasmes et des clichés. Des appareils photo miniatures, des identités troubles, des valises à double fond et des micros cachés. Parce que l'espion a toujours fait rêver et que 007 n'est pas immortel par hasard. Mais il y a aussi une réalité glacée et complexe. La guerre froide, le secret d'État, les conflits mondiaux, les enjeux politiques autant qu'économiques et tout au bout de ces tentacules, il y a des hommes et des femmes à l'identité cachée, au destin trouble et dont les motivations sont la part de mystère qui nous échappera toujours. Et auquel on peut désormais donner les visages de malotru ou de phénomène. Alors pour commencer, les personnages. Des journalistes avec des sources forcément secrètes, d'anciens directeurs du renseignement qui n'oublient jamais d'en dire le minimum, des informateurs dont la conversation n'est jamais innocente et des silhouettes anonymes de ceux qu'on appelle les clandestins. Ensuite, le décor. Des bureaux parisiens où l'on ferait bien de tenir sa langue, des salons feutrés des beaux quartiers, des ambassades lointaines, des réceptions mondaines où l'on parle trop et cette fameuse boîte du boulevard Mortier. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est à Paris dans une zone grise particulièrement bien choisie. Quand ils arrivent au service, on leur dit le téléphone portable, vous le laissez là et vous le retrouverez dans un mois. Et les gars disent, mais m'a appelé, non, pas moi, parce que moi je dois appeler ma copine. Et bien on lui dit, ben non, c'est fini ça. Pendant un mois ou un mois et demi, pas de téléphone portable. Eh bien, il y en a une proportion importante qui partent. Aussitôt. Faites le compte autour de vous de combien de gens sont capables de ça. Et vous voyez que déjà, rien que pour ce petit critère de rien du tout, vous avez des gens qui ne sont pas comme les autres. Faut pas être timide, hein, c'est clair. Faut pas être enfermé, faut pas faire la gueule, même si vous êtes pas content, même si vous avez des problèmes chez vous. Faut pas être fatigué, faut pas être bourré. Il faut garder en permanence une grande lucidité, parce que tout le système peut se retourner contre vous à un moment ou à un autre. Ça demande un certain nombre de qualités humaines qui sont celles, après tout, aussi des journalistes et des commerciaux et des marchands de doudous. Hein. Et des comédiens. Et des comédiens, bien sûr, parce qu'il y a une part de comédie dans cette affaire, c'est la comédie humaine. On fait tout pour que le risque ne se réalise pas. D'où l'importance de garder son bon sens, de ne pas vouloir aller trop vite, trop loin, d'être conforme à l'image que la partie adverse a de vous. Être lisse, être sympathique, assez curieux pour être acceptable et accepté, pas trop pour ne pas énerver. Intellectuellement, c'est un travail dans lequel il faut être attentif 25 heures sur 24 à peu près. DGSE, le renseignement à la source. Amaury Chardot, Julie Béressy. Tout le jeu, il est là, quoi. Entre ce qu'on peut savoir, ce qu'on ne peut pas savoir, ce qu'on ne doit pas savoir, et puis finalement ce qu'on arrive aussi à savoir. Donc c'est un monde un peu compliqué qui se prête surtout à énormément de fantasmes. Là, par exemple, vous avez une paire de chaussures qui ressemble un peu à ce qu'on peut trouver dans la fiction. Ce sont des vraies chaussures de la marque Florsheim et elles ont été trafiquées pendant la guerre froide par les ateliers de fabrication des services secrets britanniques pour y intégrer donc dans un talon une lame rétractable, et cette lame a pour objectif d'aider l'agent, s'il est arrêté, à couper la corde qui attacherait l'agent. DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Adresse, 20 boulevard Mortier, Paris. Mission, rechercher et exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France et détecter et entraver hors du territoire les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts français. Effectif, environ 6000 personnes. Parmi eux, on trouve notamment des bataillons d'analystes qui traitent et synthétisent les informations glanées sur le terrain. Le terrain, c'est donc l'étranger, d'où opèrent plus ou moins légalement les têtes chercheuses, les officiers d'enseignement. À eux de tendre l'oreille et de recruter des sources. C'est sur cette collecte que nous nous pencherons ici, dans les limites de ce qui est racontable, sachant qu'en la matière, le mieux est l'ennemi du bien, et qu'un service de renseignement n'a par définition aucun intérêt à communiquer sur ses activités. De fait, et malgré les efforts récemment entrepris pour se défaire d'une vieille réputation barbouzarde, les actuels responsables de la boîte, comme on l'appelle, n'ont pas souhaité intervenir. Ceux que vous allez entendre sont retirés du service, astreints à un strict devoir de réserve, ils nous livrent pourtant, associés à quelques fins connaisseurs des arcanes, ce qui peut l'être, des trajectoires, des techniques, des indices, afin de lever le voile sur la pratique accomplie chaque jour dans l'ombre par certains des espions de la République. Alain Chouet, entré au service en 1972, il en sortira en 2002, chef du renseignement de sécurité. C'est pendant mon service militaire que mon chef de corps m'avait remis une lettre en me disant « Écoute, ouais, t'es juriste, t'es ravisant, c'est bien, va donc toquer à cette porte, là tu donneras la lettre et puis tu verras bien ce qui se passe ». Je suis allé toquer donc à la porte du SDEC à l'époque, l'ancêtre de la DGSE, j'ai remis mon curriculum vitae et puis la lettre de mon colonel, et puis j'étais convoqué 3 mois après pour passer un concours, que j'ai eu. J'aurais pu faire autre chose, puisque j'étais convoqué le même jour, à l'époque, soit pour rentrer au service, soit pour diriger une petite agence du Crédit Lyonnais. Le même jour, à la même heure. Alors, il a fallu que je choisisse. Je crois que j'ai bien fait de pas prendre le Crédit Lyonnais. Mais je savais absolument pas ce que c'était que ce métier. On m'a recruté sur un poste dans le service d'analyse du monde arabe, qui à l'époque était pas très étoffé, et on m'a immédiatement mis à de l'analyse sur tout ce qui était la péninsule arabique et les lieux tout autour. C'était en 72, et puis en 73 est arrivé le choc pétrolier, et tout a basculé, tout a changé. Et moi, ça m'a valu d'être, j'étais jeune encore à l'époque, hein, 28 ans je crois, ça m'a valu d'être envoyé à Beyrouth pour faire du vrai travail de terrain, du vrai travail de recherche. Beyrouth, qui était à l'époque considéré comme le Monte Carlo du monde arabe, et c'est vrai que ça avait un petit côté Monte Carlo avec son casino, ses bars. Enfin, ça s'est assez rapidement calmé puisque mois d'avril 75 a commencé la guerre civile libanaise. Et ceux qui avaient été jaloux de ma nomination étaient un peu moins jaloux après. Officiellement, vous êtes attaché d'ambassade ? Officiellement, je suis attaché au service de presse de l'ambassade. Donc, cela dit, c'est une couverture complètement trouée, puisque en France, les gens de la maison, jusqu'à une date extrêmement récente, ne figuraient pas sur l'organigramme du Quai d'Orsay. Donc, ils n'étaient pas très difficiles à repérer. Et donc, officieusement, officier d'enseignement ? Voilà. Ce qui fait qu'on a deux boulots quand même, parce que faut quand même justifier sa couverture, même si elle est trouée, et donc le travail du service de presse, faut bien le faire. Donc on fait 2 journées en une. Nos couvertures, à nous Français, trompent pas grand monde. Donc le jeu consiste à noyer son activité clandestine dans son activité officielle. Ou alors de passer pour le type suffisamment benêt pour qu'on se dise « Oui, il est du service, mais il est tellement benêt que, ou tellement feignant qu'il fait rien, il représente pas de danger ». Alors là, il y a tout un jeu de rôle à assumer, tout un théâtre à mettre en œuvre. Claude Moniquet, ancien correspondant. Je crois que personne n'est espion originellement. On entre dans un service souvent par hasard, certains par vocation, le plus souvent par le hasard de la vie. Moi, effectivement, j'ai commencé ma vie professionnelle comme journaliste assez jeune, à 21-22 ans, travaillant dans des journaux parisiens, entre autres le Quotidien de Paris, et m'intéressant à différentes choses quand j'avais un peu de temps libre, qui étaient d'une part les mouvements terroristes qui à l'époque étaient essentiellement d'extrême gauche et palestiniens, et d'autre part l'Europe de l'Est. Et donc je voyageais beaucoup en Europe de l'Est, j'écrivais des papiers, des reportages, donc ça me mettait assez, disons, dans une certaine proximité avec des policiers, des gens des services, des juges. En 1984, j'ai envie d'aller voir de plus près ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. N'ayant pas pu m'installer en Pologne, puisqu'il rechigne à me donner le visa permanent dont j'ai besoin, je m'installe à Vienne. Et à Vienne, je suis approché assez rapidement par un diplomate français très sympathique. On était très peu de journalistes français à Vienne à l'époque, on était 3. 3 journalistes, ça n'est pas très compliqué à tenir à l'œil. Et à cette limite, cette frontière, Vienne, c'est comme Berlin, c'est comme Helsinki, on est tout près de la mâchoire de l'ours. Et nous allons de l'autre côté du rideau de fer, ce que les gens du renseignement à l'époque faisaient relativement peu, curieusement, suite à certains déboires que la France avait connus dans ces pays. Donc, les gens de l'ambassade, qui étaient liés au renseignement, avaient l'habitude de débriefer les journalistes et certains hommes d'affaires qui faisaient cet aller-retour. Et donc, ils m'approchent tout à fait naturellement. Au début, disant qu'il est diplomate. À la fin du premier repas, j'avais plus ou moins compris dans quelle branche de la diplomatie il travaillait. Et puis au deuxième repas, il me dit tout à fait franchement ce qu'il est, ce qu'il fait. Et il me propose une coopération qui est assez générale et générique. Qu'est-ce qu'on appelle le statut d'honorable correspondant, qui n'est d'ailleurs pas un statut, qui est le simple fait de rencontrer quelqu'un, d'accepter de rencontrer quelqu'un en connaissance de cause. Donc je savais quand je le voyais que je parlais à la DGSE, et de répondre à certaines questions. Et sans contrepartie, l'honorable correspondant est une personne qui collabore de son plein gré avec le service de son pays, qui peut parfois en tirer certains avantages de carrière, ou dans notre cas de journaliste, c'était plus, l'idée était, de temps en temps je vous donnerai un tuyau qui pourra vous aider pour un papier. Et en échange, on raconte ce qu'on a vu. C'est de l'ambiance, c'est savoir ce que pensent les intellectuels d'opposition en Pologne, savoir ce qu'ils pensent des négociations, si les négociations en cours existent vraiment ou pas, quelles sont les positions du Parti communiste et quelle est la position de Waleza et de son entourage. C'est ça qui les intéresse si on prend la Pologne. Sur la Hongrie, c'était plus l'évolution interne du parti, parce qu'on savait qu'il y avait des courants de jeunes dirigeants, entre autres venus de l'aile syndicale et des mouvements de jeunesse du Parti communiste, qui avaient des idées très réformistes et qui voulaient changer le système de l'intérieur. Donc c'était plutôt ça qui nous intéressait. Et ces gens en Hongrie étaient très accessibles. Jean Guinel, journaliste. Aujourd'hui, 80% de l'humanité distribue généreusement l'ensemble des informations privées qui la concernent. Si vous voulez enquêter sur Tartemol, savoir s'il est alcoolique, s'il trompe sa femme, ou de savoir ses passions, ce qui sont les bases du... sauf qu'il n'y a plus besoin de chercher, puisque tout est sur Facebook ou sur Twitter. Quand dans un monde où vous avez 95% de l'information qui est accessible, ou même 97%, ce qui va rester de très difficile, de très compliqué, c'est les 3 ou 4% qui restent. Et c'est pour ça qu'il va falloir du renseignement humain, de la pénétration, du viol des lois du pays dans lequel vous agissez, du jeu trouble sur les sentiments humains, enfin tout ce qui fait le sel de l'espionnage. Mais j'arrive pas en terrain vierge, hein. Il y a eu des gens avant moi qui ont constitué des réseaux, qui ont leurs sources, on récupère une partie de ces sources, ce qui est récupérable, et puis on constitue son propre réseau. Les enjeux à l'époque étant, on parle d'un 74, soit moins d'un an après la guerre du Kippour. L'objectif étant essentiellement à l'époque d'observer ce qui se passe dans la région pour éventuellement distinguer les prémices d'un nouveau conflit possible, de l'influence des soviétiques en particulier en Syrie et en Irak, et de voir comment à l'époque le Liban, qui est un pays faible, hein, avec un gouvernement faible, pouvait servir de réceptacle ou de base aux différents mouvements de déstabilisation qui agitaient la région. Et donc, vous récupérez certaines sources de votre prédécesseur, et vous en recotez de nouvelles. On essaye, oui. C'est le métier. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors là, il n'y a pas de recette. Il faut essayer de distinguer des gens qui ont un potentiel sur des questions qui vous intéressent. Et puis, il faut essayer de devenir leur ami, hein, puisque nous ne sommes pas assez riches. Nous, on ne peut pas venir avec des valises de dollars pour les poser sous le nez d'un monsieur en lui disant « Cher monsieur, maintenant, à partir de désormais, vous allez travailler pour moi ». Non, ça, on ne sait pas faire ça, nous. Donc, il faut mettre en œuvre des opérations de séduction. Il faut arriver à séduire des gens, à leur montrer que le mieux qu'ils aient à faire dans leur vie, c'est de vous donner un coup de main. Éventuellement, vous pouvez commencer par leur en donner un coup de main, et puis... d'échange en échange, il faut que vous lui deveniez indispensable. Alors, indispensable sur n'importe quel terrain possible, hein, mais il faut que, quand il aura besoin de quelque chose, il ait le réflexe de s'adresser à vous. Y compris pour aller vous pleurer sur l'épaule parce qu'il... Y compris pour aller pleurer sur l'épaule parce qu'il est malheureux, parce qu'il a besoin de sa dose de je ne sais quoi, ou bien parce qu'il a besoin d'argent pour mettre son enfant à l'école, ou bien parce qu'il a envie de jouer une partie d'échecs et qu'il sait que vous êtes un bon partenaire, ou une partie de tennis et que vous êtes un bon partenaire. Moi, je suis très mauvais au tennis, mais enfin, aux échecs, ça va. Il faut avoir ciblé ses besoins de telle façon que vous savez que dans telle ou telle circonstance, il fera appel à vous. Est-ce que vous vous souvenez de la première source que vous avez recrutée? Oui, mais je ne vous en parlerai pas. Le secret des sources, il est absolu et définitif. Mais est-ce qu'il y a, au moment d'enclencher la machine, le sentiment que ça y est, on met le doigt dans un engrenage? Absolument. On appellera ça quoi? Manipulation? C'est de la manipulation, bien sûr. Vous voulez pénétrer une ambassade étrangère? vous n'allez pas aller chercher l'ambassadeur. En général, c'est le moins bien informé de l'ambassade. Qui vous allez aller chercher? Il y a toujours un goulot d'étranglement de l'information dans une structure. Le goulot d'étranglement de l'information dans une ambassade, c'est le radiochiffreur. C'est là que converge toute l'information, puisqu'il faut bien que quelqu'un l'envoie à la capitale du pays en question. Radiochiffreur, c'est formidable. C'est le moins payé de l'ambassade. Le moins considéré est celui qui gagne le moins. Il est beaucoup plus vulnérable qu'un ambassadeur qui est bien installé dans son truc, ou un premier conseiller qui a de l'ambition et qui veut grimper dans son truc. Et c'est sur lui que je vais concentrer mes efforts. Soit mes efforts de séduction, soit mes efforts de corruption, parce que c'est ça, le métier. Il va falloir que j'amène la personne en question à basculer dans mon camp, même si elle n'y est pas naturellement prédisposée. Et donc, ce qui vous amène un soir à aller venir vous asseoir sur une terrasse à côté du radiochiffreur? Oui, enfin, ça peut se faire de façon un peu plus subtile aussi, mais d'abord, je vais chercher comment je peux atteindre ce radiochiffreur. Est-ce qu'il a des enfants dans une école où je connaîtrais d'autres parents, etc.? Est-ce qu'il est dans un club de bridge, d'échecs, de foot? Est-ce qu'il a un goût immodéré pour Jean-Sébastien Bach ou les Rolling Stones? Enfin bon, je vais donc faire le dossier d'objectif de cette personne, c'est-à-dire essayer d'obtenir sur lui le maximum d'informations. Est-ce qu'il est vulnérable? Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il a des addictions? Ça peut être intéressant. Et parmi tout ce faisceau d'indications, je vais essayer de trouver la bonne pour l'approcher. Ça peut prendre des mois, des années. En règle générale, l'agent d'approche n'est pas celui qui va recruter, parce que si le recrutement rate, l'agent d'approche, il est grillé. Si vous recrutez quelqu'un qui est un service adverse ou qui va s'épancher auprès des services adverses, tout le monde saura que vous êtes un agent et là votre carrière est terminée. Donc le plus souvent, ce que vous faites, c'est préparer le terrain, c'est repérer la personne, la cultiver, l'observer, transmettre l'ensemble des renseignements qui feront qu'à un moment donné, la personne que vous introduirez dans le jeu, de manière la plus fortuite possible en apparence, pourra se débrouiller pour tenter le recrutement. Dans le passé, le recrutement s'est beaucoup fait par les moyens de pression. Parfois par le chantage. Bon, le chantage aujourd'hui marche beaucoup moins et n'est pas très éthique. Et puis il y a quand même un problème fondamental. Nous prétendons défendre un système démocratique, donc utiliser des méthodes qui ne le sont pas pose question. Deuxièmement, on comprend bien que quelqu'un travaille difficilement sous la pression et pour des raisons négatives. Quand vous faites chanter quelqu'un, la seule chose dont il a envie, c'est se débarrasser de vous. Donc il faut amener cette personne à avoir de la sympathie pour vous ou votre cause. Alors la cause, ça peut être le fait que vous êtes dans un pays démocratique, vous êtes français, et que lui, c'est un malheureux serbe qui estime que son pays se conduit très mal, à l'époque des guerres yougoslaves, que j'ai beaucoup fréquenté. Ça peut être un mélange de ce genre de sentiments assez nobles et de sentiments qui le sont un peu moins, mais qui sont humains, de frustration de carrière. Moi qui suis honnête dans ce système pourri, j'ai pas eu la carrière à laquelle j'avais droit, alors que mon voisin de droite au bureau, qui est un salopard, lui, il est colonel, et moi je suis capitaine à 40 ans. Une série de choses qu'il faut savoir, comprendre, et qui permettent à un moment de présenter les choses de manière acceptable. Jean-Dominique Merchet, journaliste. Il faut voir que les services secrets français d'aujourd'hui, la DGSE, sont les héritiers d'une histoire. Avant la DGSE, jusque dans les années 80, il y avait le SDEC, qui était effectivement un univers un peu étrange parfois, avec des pratiques paralégales. Mais c'est un autre temps. Et c'est vrai que dans les années 80, il y a eu une réforme très importante et le SDEC est devenu la DGSE pour en faire quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on trouve à l'étranger, c'est-à-dire l'Intelligence Service à Londres ou la CIA aux États-Unis ou le BND en Allemagne. Enfin bref, des choses qui ont une existence légale. Le SDEC, c'était un peu barbouzard, c'est sûr. Et puis, il y a eu toutes ces affaires autour de la guerre d'Algérie, par exemple, avec la lutte contre l'OAS, avec la mise en place de services qui étaient des services officieux, la République gaulliste, le SAC, des choses comme ça, qui faisaient de la politique à l'intérieur, mais qui intervenaient aussi, au fond, dans des réseaux france-africains. Enfin, bref, il y avait tout un univers comme ça, quand on voyait encore les dernières traces dans les années 80. Le rapport de Monsieur Tricot... Fait apparaître. Août 85, Laurent Fabius, Premier ministre, en pleine crise du Rainbow Warrior. Dans le fonctionnement même de la Direction générale de la sécurité extérieure. Je demande au ministre de la Défense, qui poursuivra sans délai ses investigations, de procéder à un examen attentif de ces carences pour qu'il y soit remédié. Le problème posé est aussi celui du contrôle des services de renseignement dans une démocratie. Le Rainbow Warrior a été un traumatisme énorme pour la DGSE. Énorme. C'est à la suite du Rainbow Warrior qu'au fond tout va changer. C'est l'idée, plus jamais ça. Un nouveau directeur arrive et la maison est réorganisée sur des bases modernes. Même si elle secoue fortement le service, cette affaire du Rainbow Warrior ne stoppe pas pour autant la machine. Cette même année 1985, Claude Moniquet est toujours dans les pays de l'Est. L'été 1985, ou le printemps, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais les Polonais m'invitent à venir les rencontrer à Budapest lors d'un de mes passages à Budapest. Et là, me proposent tout à fait clairement, on me dit, écoute, tu vas avoir ton visa, tu peux venir t'installer chez nous, mais en échange, tu vas nous informer sur ce qui se passe dans l'opposition, etc., etc. Bon. Étant d'une nature prudente et me trouvant quand même du mauvais côté du rideau de fer, je leur dis oui, je vais y réfléchir, pourquoi pas, revoyons-nous. Je rentre à Vienne et là, j'en parle à mon contact, qui est très excité par cette nouvelle. Et qui, quelques jours plus tard, m'appelle et me dit « Est-ce que tu pourrais venir à Paris ?» pour discuter avec certains de mes amis. Je me retrouve à Paris, on discute. Et là, le service, ouvertement, au bout de quelques heures de discussion, enfin, de quelques longues heures, disons de 2 jours de discussion, me dit « Écoutez, il y a quelque chose dans cette histoire qui nous intéresse. On pourrait faire ce qu'on appelle, en termes professionnels, un jeu à trois. » C'est-à-dire vous utilisez comme agent double, vous feriez semblant d'accepter de recruter par les Polonais et vous nous informeriez sur ce qu'ils vous demandent, ce que vous faites et tout ce que vous pouvez apprendre sur le service. Mais ça, ça nécessiterait de changer de relation parce que c'est pas un travail d'honorable correspondant. Ça nécessite d'une part un peu de formation et ça nécessite une relation beaucoup plus étroite. Donc vous devriez devenir un contractuel du service, un agent du service. Et je vais dire oui. Alors vous avez ici un parapluie noir, classique, de type occidental. Alors on l'appelle le parapluie bulgare. En réalité, il a été utilisé par les services bulgares, mais mis en place par les services secrets soviétiques durant la guerre froide. Et si on va plus loin, c'est même un parapluie américain, puisque les soviétiques ont acheté un stock de parapluies aux États-Unis pour ensuite les trafiquer dans leurs ateliers de Moscou pour les transformer en armes mortelles à poison. Et donc ce qui l'a rendu célèbre, c'est une affaire qui s'est déroulée en 1978. Un écrivain bulgare, Georgi Markov, c'est un dissident, et il décide de se réfugier en Angleterre. Et les services secrets bulgares vont se donner pour mission de l'assassiner. Et en 1978, alors qu'il attend le bus en Angleterre, à Piccadilly, un agent bulgare va utiliser un parapluie et bousculer malencontreusement Georgi Markov. Georgi Markov, sur le coup, ne va pas faire attention, il va sentir une piqûre sur sa jambe. Il meurt 3 jours plus tard à l'hôpital. Le parapluie était sans doute empoisonné. En fait, on a une aiguille empoisonnée qui sort de la pointe. Comment est-ce qu'un officier traitant, à Beyrouth, vu que vous y étiez au milieu des années 70, Alain Chouet, comment est-ce que l'officier traitant fait remonter ses infos à Paris ? Bah, quand on est dans une structure type ambassade, c'est pas difficile, hein, puisqu'on bénéficie de l'extraterritorialité en général. Enfin bon, maintenant ça se fait par informatique, mais à l'époque ça se faisait par radio cryptée au service central, qui ensuite les déchiffre et puis en fait ce qu'il a à en faire. Donc là, ça posait pas de problème. Pour ceux qui sont en clandestin, c'est plus compliqué. Alors on avait recours à la belle époque de l'espionnage, au microfilm, au micropoint, à la stéganographie, enfin à tout ce qui permet de cacher l'information de telle façon, bon elle était chiffrée bien sûr, mais ensuite planquée par diverses méthodes, puis envoyée par les voies normales de la poste ou autre jusqu'à un relais qui l'acheminait vers le service central. Qu'est-ce que c'est un micropoint ? Alors un micropoint c'est une photo qu'on réduit à la taille d'un point d'imprimerie, d'un point sur un i, ou d'un point de fin de phrase, et qu'on colle dans un texte. Le destinataire sachant, on s'est mis d'accord avant sur à quel endroit sera le micropoint, et il sait donc le détacher, ensuite le réagrandir suffisamment pour que le texte qui est dedans devienne lisible. Et ça, le clandestin sur le terrain sait faire ça lui-même ? Ah ben non, mais maintenant on n'en fait plus, hein, d'autres moyens. Mais oui, on apprenait ça. On avait, dans le cycle de formation, il y avait un cycle labo photo où on apprenait ce genre de technique. Et la stéganographie ? Alors, stéganographie, ça demande de l'informatique. Les photos que vous mettez sur votre ordinateur, elles sont constituées de points, en fait. Points qui sont en 16 ou 256 ou 16 millions de couleurs. 16 millions de couleurs, ça veut dire que chaque point va être affecté de trois valeurs, le bleu, le rouge, le vert, qui eux-mêmes sont chacun déclinés sur 256 nuances. Vous avez un point, par exemple, qui aura la nuance de bleu 127, la nuance de vert 25 et la nuance de rouge 56. Si à la place du rouge, au lieu de 56, vous mettez 55, personne ne verra sur la photo. Ça ne va pas changer la couleur d'une telle façon. Mais donc, il s'agit d'altérer chaque bit d'information d'une façon convenue avec le destinataire pour lui dire au point Y228X452, il faudra mettre un bit de plus au rouge. Et ça, autant de fois qu'il faut pour arriver à constituer un alphabet complet et un texte complet. En fait, le texte, il est inclus dans l'altération des bits d'une photo. Vous verrez passer la photo de vacances avec les petits, avec leurs pâtés de sable et tout. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas de soupçon, vous n'allez pas aller voir, vous n'allez pas vous passer toutes les photos de vacances de toutes les familles du coin. Hein. Sauf qu'il y en a une qui va contenir un texte complet que vous allez déchiffrer ensuite. Oui. Jean-Christophe Notin, écrivain. Un clandestin. C'est un infiltré. Alors un clandestin, c'est plus exactement un Français qui part à l'étranger sous une fausse identité, avec donc en général une fausse activité, qui peut être infiltré au sein d'une organisation localement, dans le but de recueillir du renseignement. Alors après, vous avez différents grades, strates, je dirais, de clandestinité. Vous avez le clandestin entre guillemets 100%, c'est-à-dire que personne dans le pays ne saura qu'en fait c'est un agent de la DGSE. Et puis ensuite, en pourcentage moindre, il peut, comment dire, faire valoir son statut d'officier de renseignement à différentes cibles, à différents commandants de guérilla, chefs de gouvernement, etc., qui eux sauront que c'est un officier de renseignement, mais pas l'entourage. L'intérêt du clandestin, c'est qu'il va pouvoir rester très longtemps dans le pays, sur des périodes relativement longues, et donc travailler en quelque sorte ses sources, pour obtenir les résultats de la meilleure qualité. Pour que son travail ait une valeur, il va falloir qu'il s'investisse sur le terrain. Il faut que les gens croient à sa légende, croient à sa couverture. Vous ne pouvez pas imaginer envoyer un clandestin qui, au bout de deux jours, va faire croire à tout le monde qu'il est un chef d'entreprise, dirigeant d'ONG, grand journaliste de renom, enfin je vous dis un peu tout et n'importe quoi. Il faut un investissement sur le temps. Donc forcément, clandestinité, en général, rime avec... stratégie, vision à long terme de la DGSE, évidemment en liaison avec les autorités politiques. Le théâtre le plus typique, c'est le théâtre afghan, ça a été un investissement sur 25 ans. Des théâtres africains, vous pouvez avoir des clandestins sur une bonne dizaine d'années. Vraiment, c'est la différence entre la tactique et la stratégie. La tactique est toujours à très court terme, savoir est-ce qu'on va déclencher une opération, qu'est-ce qu'il faut, quel est l'ennemi, etc. La stratégie, c'est beaucoup plus qu'est-ce que le gouvernement que l'on vise va décider en termes de politique de défense, d'alliance, de positionnement vis-à-vis de la France. Donc ça ne peut être qu'à très très long terme. À très long terme, une fois de plus, quand on voit les échéances actuelles politiques, quand vous parlez déjà de 2-3 ans, c'est du très très très long terme. C'est beaucoup d'argent, c'est un investissement financier important. Il faut ce qu'on appelle nourrir la légende. Donc un clandestin a une fausse identité, donc il doit être capable de justifier également en France de sa fausse identité. Donc c'est louer un appartement à son faux nom, c'est des factures d'EDF comme tout un chacun. Hein. Et ensuite donc tout ce qui est voyage et puis donc ensuite vie sur place. C'est pas des sommes en elles-mêmes considérables hein, par rapport à un programme d'armement, c'est trois fois rien. Hein. En revanche c'est très coûteux sur le long terme et c'est très coûteux. Ça peut être potentiellement très coûteux en termes politiques. Parce qu'une fois de plus, c'est un agent qui enfreint en quelque sorte les règles du pays dans lequel il va. Puisqu'il est sous une fausse identité, il ment. Il ment et il travaille des sources qui, régulièrement, sont en opposition avec le pouvoir en place. Ce sont en général des pays sensibles, chauds, où ça ne se passe pas toujours très très bien, donc dont le gouvernement ne généralement n'apprécie pas beaucoup de savoir que tel pays envoie chez lui des espions, entre guillemets. On n'est pas dans le monde des délinquants, dans le monde des salopards, dans le monde des crapules ou dans le monde des véreux. On est dans le monde de gens qui sont généralement des individualités éclatantes, des gens qui ont des dons, des capacités d'empathie, enfin, je parle de ceux que je connais, hein, qui ont des capacités d'ouverture aux autres, de richesse personnelle, qui sont des gens qui font des choix de vie tout à fait étonnants, qui sont des non-conformes à 98%, c'est des gens qui rentrent pas dans les boîtes. Et ces gens-là, ils n'ont rien. Ils sont à poil. Ils gagnent correctement leur vie, mais sans plus. Ils prennent des risques vitaux tout le temps. Il y a une seule chose qu'ils doivent protéger, c'est leur identité. Pourquoi ? Parce qu'ils naviguent avec des identités fausses, ils sont dans un monde d'ombre chinoise, ils sont, on les croit marchands de chaussures ou cheminots ou diplomates, et ils sont, c'est notre part d'ombre à nous tous. France Inter, il est 7h09, Christian Bonner. L'homme assassiné avant-hier dans une rue du secteur chrétien de Beyrouth était bien un agent secret français, Jacques Mérin, dont le nom figurant sur le passeport est en fait Meurant, travaillait pour la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, autrement dit la DGSE. C'est au moment où il sortait des bureaux de la Sûreté Générale libanaise que deux tueurs lui ont tiré dessus à bout portant, une balle dans la nuque et deux balles dans la poitrine, un travail de professionnel. C'est clandestin, on n'en sait presque rien. Est-ce qu'on peut évaluer à la louche leur nombre? Alors ça, ce sont des questions évidemment très délicates. Cela fait partie des secrets de la République, dont je ne suis pas forcément détenteur. Mais bon, on peut les estimer, on va dire, à quelques dizaines. Donc ils sont très très peu nombreux. Et ça peut même varier en fonction des époques. Il y a pu y avoir des époques assez récentes où ils n'étaient même pas une dizaine. Alain Juvillet, ancien directeur du renseignement. Vous savez, le renseignement, ça aussi, ça s'appuie sur la culture. Il y a des gens qui ont la culture du renseignement. En Angleterre, par exemple, le renseignement, ça fait partie de leur vie depuis toujours. Tout Anglais est un agent de renseignement qui s'ignore. Les Américains, ils ont été formés à ça. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. En Angleterre, aux États-Unis, des gens qui sont dans le renseignement sont souvent au plus haut niveau de l'État. Aux États-Unis, on l'a vu, souvent. En Angleterre aussi. Les gens qui sont dans le renseignement, c'est quelque chose. Le patron du MI6, un des patrons du MI6, en sortant, il est devenu patron de Cambridge. Bon, vous imaginez en France, le patron du renseignement français ou le directeur du renseignement devenir patron de la Sorbonne? C'est impossible. C'est ça la différence. Vous voyez un patron du renseignement devenir chef de l'État, comme Bush, père ou comme d'autres? Impossible. On est dans un autre monde, c'est-à-dire d'un monde dans lequel le renseignement a été considéré comme une activité peu recommandable, on peut dire jusqu'à Pierre Joxe. Pendant la première guerre d'Irak, quand il est arrivé et qu'il s'est aperçu que les Français n'avaient pas de moyens de renseignement efficaces, et donc qu'on était totalement dépendant des Américains, et que les Américains nous enfumaient. C'est ça la vérité. Donc ils nous racontaient ce qu'ils voulaient. Alors il y avait des choses vraies, il y avait des choses fausses, mais comme on ne pouvait pas vérifier, on ne pouvait pas savoir. Et Joxe a dit, un grand pays comme la France doit avoir un renseignement efficace. Et là, il a tout remis à plat. Il a fait introduire dans la loi de programmation militaire, il a introduit le renseignement technique. Il en a fait une arme. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que les choses ont changé, parce que tout le monde a dit, mais dans le fort, le renseignement, alors c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de sérieux. La France a toujours eu une capacité de renseignement technique parce que c'est une capacité militaire. C'est-à-dire l'interception, c'est d'abord au départ une capacité militaire. Et la capacité de renseignement technique, elle est aussi vieille que la technique puisque les interceptions ont commencé avec le téléphone, donc dans les années 1880. Quand le général Boulanger est en fuite à Bruxelles, quand il téléphone à ses contacts à Paris, la préfecture de police l'écoute, l'intercepte. Et pendant les guerres, la Première Guerre mondiale, il y a des victoires importantes qui ont été acquises par les interceptions et la cryptographie, la cryptanalyse. Pareil pendant la guerre d'Indochine, pareil, voilà. Donc c'est pas une nouveauté. Les systèmes d'interception français, que je suis très fier d'avoir révélés en 98, sont basés souvent dans les régions autour de l'équateur pour pouvoir choper les satellites... notamment les satellites géostationnaires, qui, pour certains, sont autour de l'équateur. C'est l'une des raisons stratégique majeure pour laquelle les Français sont très contents d'avoir les stations de Kourou, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, parce que ces satellites qui sont situés au-dessus de ces zones peuvent arroser notamment les États-Unis, le Moyen-Orient et tout ça. La grande question de l'interception des communications, c'est par où passe-t-elle ? Vous avez en tête l'image des interceptions de communications de satellites, mais ils ne passent plus par là. Elles passent par des câbles sous-marins. Et donc, il faut se brancher sur les câbles sous-marins. Voilà, c'est pas toujours d'une légalité totale. Il faut regarder la carte des câbles sous-marins. Où sortent-ils ? Les câbles qui arrivent d'une partie de l'Afrique du Nord arrivent en France vers Marseille. Donc soit ils arrivent chez vous, soit ils arrivent chez le voisin. S'ils arrivent chez vous, c'est plus facile. On lit dans certains journaux bien informés, qui paraissent l'après-midi par exemple, que sous Mortier aujourd'hui, il y a 3 ou 4 étages en sous-sol qui ne sont que des systèmes d'écoute. Il faut bien, si on a, je ne sais pas si c'est vrai, mais s'il y a réellement 3 ou 4 étages de souterrains utilisés pour les écoutes à Mortier, il faut bien les remplir. La DGSE a fait qualitativement un bond en avant extraordinaire depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la DGSE soit au niveau de la NSC américaine, parce que les budgets ne sont pas les mêmes. Faut être très clair, la NSC, on parle d'un budget de plusieurs dizaines de milliards par an, uniquement pour des écoutes et de l'observation satellitaire. Pour la DGSE, on parle d'un budget tout compris de quelques milliards pour l'ensemble de ces opérations. Mais avec ce peu d'argent à l'échelle, avec, il faut bien le dire, le génie industriel français, la France est un pays d'ingénieurs, et avec aussi ce système D, cet art de la débrouillardise qui fait qu'avec peu, on peut faire beaucoup, le service, la DGSE, a vraiment un système d'écoute aujourd'hui qui est extrêmement performant, remarquable, et qui a une emprise planétaire. Les plus gros ordinateurs de France tournent à la DGSE. Des ordinateurs qui sont capables de traiter toutes ces données, les métadonnées, les communications téléphoniques, comment on récupère les informations qui transitent par les câbles sous-marins. Ça, c'est pour la partie des écoutes et pour la partie de l'observation spatiale, qui ne relève pas de la DGSE en France, même si elle l'utilise, mais qui relève des armées, mais néanmoins c'est du renseignement, de la DRM. Ça veut dire qu'il faut mettre des satellites d'observation. Vous voyez ce que ça coûte. On n'est pas dans le gars qui rentre dans une chambre d'hôtel pour aller prendre des photos de documents dans une mallette. C'est pas du tout ça. Donc on a changé de dimension. Les points d'excellence et les points de capacité exceptionnelle de la DGSE, c'est notamment en cryptanalyse. C'est-à-dire la capacité à casser les codes. Ça, c'est très fort. Et à casser quels codes ? Des méchants, ou des gentils d'ailleurs. Cacher les codes de des gens qui utilisent des codes secrets. Les codes des téléphones GSM, les codes des satellites de communication, les codes diplomatiques, les codes... Voilà, tous les codes. Et pourquoi est-ce qu'on est bon ? Parce qu'on est très bon en maths. Donc vous prenez... Le cours de maths, les profs de maths de l'école normale supérieure, vous leur demandez qui finance leur labo. Et alors assez curieusement, ils sont peu loquaces. Le renseignement technique, il est utile. Il est même indispensable dans un certain nombre de cas. Il est bon de pouvoir savoir ce qu'échangent des gens qui sont un peu dangereux pour la nation. Il est bon de pouvoir faire des observations satellites pour savoir quel est l'état de la menace à tel ou tel endroit, etc. Mais c'est utile, voire indispensable, mais ça ne peut pas remplacer le renseignement humain. Puisque ce que cherche à savoir un service de renseignement, le Graal, la pointe de diamant du renseignement, c'est le secret des intentions. C'est pas le tout de savoir que M. Intel a disposé 50 chars à tel endroit. Le problème, c'est de savoir ce qu'il veut en faire. Déjà, il faut qu'on sache qu'il y a 50 chars à tel endroit. Et là, l'imagerie, les interceptions, la radio, les chefs de chars qui parlent entre eux par la radio, ça nous donne une alerte. Ensuite, notre problème, c'est de savoir ce que le chef de ces 50 chars veut en faire. Et ça, on ne l'aura pas, ni par l'imagerie satellite, ni par les interceptions radio. Donc, il va nous falloir quelqu'un dans la structure qui s'occupe de ces 50 chars pour nous dire « Ah, mais les 50 chars, on va s'en servir pour... » Ou on ne va pas s'en servir, ou c'est juste de l'intimidation. Et là, il n'y a qu'un moyen, c'est le renseignement humain. Si vous arrivez aujourd'hui à recruter une source dans l'équipe dirigeante de Daesh, ou dans l'entourage très proche de Vladimir Poutine, vous avez accès à des informations que vous n'aurez pas par la technique, parce que ces gens-là ne vont pas en parler au téléphone. Et puis, ils vont vous permettre de dire des choses en cours d'élaboration, voilà. Recruter une source, c'est ce qu'il y a de plus précieux, mais ça, c'est compliqué. Il y a l'histoire de l'espionnage est plein de sources extrêmement bien placées. Le garde du corps de Radovan Karadzic, donc l'un des dirigeants des Serbes de Bosnie, au fond, était un agent de la DGSE, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait été recruté. Donc il le suivait extrêmement, il savait absolument tout ce que faisait Karadzic. This is the KGB Blue Book, where Tuomi is listed under his Soviet name. Pendant 18 mois, j'ai pu apporter du renseignement sur la manière dont travaillaient les services polonais, l'espoir de la DGSE, comme dans toute mission double, enfin tout jeu à trois bien réussi, était que j'arrive à un moment à être assez important pour les Polonais, que pour, par exemple, ils me confient, pourquoi pas, la gestion d'une partie de réseau polonais en France ou en Europe, ou me demande des conseils sur des personnes qu'ils recrutaient, ou me demande de les orienter vers des gens qui me semblaient recrutables. Ce jeu à trois avec les services polonais dure quoi, 2 ans, c'est ça? Ça dure à peu près 2 ans. Ça dure jusque donc de 85 à fin 86, et ça se termine de manière assez abrupte, parce qu'à un moment, les Polonais ont un doute. Et j'ai un rendez-vous avec celui qui pense être mon officier traitant polonais, qu'il est de son point de vue, mais bon, qui est un garçon qui était à peine plus âgé que moi, qui m'aimait bien. On avait développé une relation de sympathie. Et il me dit, écoute, il y a un débat à ton sujet dans le service, il y a des doutes, la manière dont tu réponds à certaines questions, dont tu ne réponds pas à d'autres. D'après certains d'entre nous, tu pourrais en fait être un agent français. Et... je pense, me dit-il, qu'il vaudrait mieux que tu arrêtes de venir chez nous, que tu arrêtes de venir en Pologne, parce que là, je peux te garantir, tu dois repartir demain ou après-demain, je peux te garantir que tu passeras la frontière. Si tu revenais, je ne peux pas te garantir que tu n'aurais pas d'accident. Et donc, je reviens, je rends compte, je suis convoqué à Paris, je rends compte, et on décide de mettre fin à la mission. Un officier traitant sur le terrain, c'est comme un mirage en vol. Hein. Il y a X personnes qui préparent son activité, qui encadrent son activité, qui signalent les dangers et qui orientent complètement la recherche. Et puis si l'officier traitant en question n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut, ben on va en envoyer un autre, peut-être plus adapté au terrain ou qui connaît mieux la matière. Et puis si ça suffit pas, on enverra une équipe complète. L'un des gros avantages des services de renseignement, c'est que on a la mémoire, le nombre... et le temps. La mémoire, c'est-à-dire qu'on a des archives, elles ne prennent pas la poussière. Hein. Tout ce qui concerne une source, un objectif, une question quelconque, tout est archivé depuis 50 ans, et c'est à la disposition de ceux qui travaillent sur le sujet. On a le nombre, comme on a dit, parce qu'on ne va pas à la guerre tout seul, on va à la guerre en équipe. Et puis, on a le temps parce qu'on est moins soumis que d'autres services de l'État à l'immédiateté, à la sanction des médias, à l'immédiateté de la prise de décision. Quand on a... un objectif à remplir. Bon, il y a des délais, bien sûr, mais c'est pas le lendemain. Hein. On n'est pas à la merci des chaînes d'information continue. L'Afghanistan, Jean-Christophe Notin, dès les années 80, la DGSE occupe le terrain. L'Afghanistan, c'est exactement l'exemple d'une DGSE s'investissant en dépit du désintérêt complet des politiques pour la zone. Il va y avoir un intérêt initial parce qu'il y a l'invasion soviétique, mais progressivement, les mois passant, on voit que les Russes restent, il ne se passe trop rien, donc les politiques ne s'y intéressent pas. En revanche, à la DGSE, quelques personnes très précises vont se dire, bah, quand même, il y a un coup à jouer. Et en particulier lié au fait que les Américains n'entrent pas, en fait, contrairement à la légende, en Afghanistan. Et donc se disent, il faut que nous, on ait des gens sur place à l'intérieur. Pour connaître un pays, ce qui se passe, il faut quand même être dedans. Et donc, ils vont exploiter la geste humanitaire qui se met en place à cette époque-là. Puisque donc, c'est l'époque des French Doctors. C'est exactement ça. C'est vraiment la grande fresque humanitaire hein, qui commence. Médecins sans frontières, Médecins du Monde, la Guilde du Raid, tout ça. Et de là vont se mener depuis le Pakistan, depuis Peshawar, vraiment des caravanes muletières, hein, développer des campagnes de vaccination, etc. Et qui a permis, une fois de plus, de tisser tout un tas de liens sur lesquels est venu se brocher la DGSE. Et alors, comment ça se passe justement quand la DGSE envoie ses propres officiers de renseignement? Ah ben là, après, le but, c'est vraiment faire un travail de renseignement, donc savoir exactement ce qui se passe. La France a une chance exceptionnelle d'avoir des pions dans tous les camps, que ce soit du côté de Massoud ou du côté des talibans. C'est la DGSE la seule présente aux côtés ce qui fait un travail de renseignement auprès des talibans, que ce soit à Kaboul ou même à Kandahar, ce que ne faisait pas la CIA. C'est ce qui permet typiquement le 11 septembre, après le 11 septembre, quand les Américains arrivent bien équipés en Afghanistan dans le clan Massoud, les Afghans leur délivrent des renseignements contre X centaines de milliers de dollars, et exactement ces mêmes renseignements les donnent aux clandestins français qui étaient avec eux depuis une dizaine d'années. Ça montre toute la valeur du travail au quotidien et humain, de l'investissement sur le terrain. Les Français seront les seuls en Afghanistan dans les années 90. Le problème central dans les années 90, c'était déjà, c'est l'amorce des camps d'entraînement de djihadistes étrangers. Et donc Massoud, typiquement, dit aux Français, faites attention, des Français viennent s'entraîner en Afghanistan avec Al-Qaïda. Un jour ou l'autre, ils vont venir vous poser quelques soucis. La réaction de la DGSE, c'est pas l'infiltration au sens où des membres de la DGSE eux-mêmes ont rentré dans les camps d'entraînement. Ce sont des camps où la paranoïa règne, donc vous ne pouvez pas rentrer comme ça, et surtout si vous êtes, pour dire les choses tout à fait crûment, blanc de peau. Donc vont utiliser des agents, ce qu'on appelle des agents, donc ils vont prendre des Afghans ou des Nord-Africains et leur demander de regarder partout sous les tapis quand ils rentrent dans les camps d'entraînement, pour ensuite ramener leur renseignement à la DGSE. Avec une plus-value tout à fait fantastique, avec une anecdote que je suis obligé de vous raconter. Un jour, une réunion se mène à Paris entre la CIA et la DGSE. Le chef de la poste de la CIA est très heureux, il ouvre sa mallette et de montrer les photos satellites du fameux camp de Darunta d'entraînement. Les Français qui disent « Ouais, vos photos sont très très jolies ». Ils ouvrent à leur tour leur mallette et eux montrent des photos de l'intérieur du camp, avec les baraquements, etc. Et alors là, le chef de poste qui fait une tête pas possible et qui se dit « les Français, ils sont peut-être pas si mauvais que ce que l'on pense ». Ça montre très bien la différence entre des Américains déjà à cette époque-là mis en tout beaucoup sur le technique, appareils satellitaires, etc., qui est vraiment une prise de risque minimale avec un coût financier supérieur, et les Français obligés de composer et donc d'utiliser les vieilles ficelles du renseignement avec une belle efficacité, et ramener des renseignements d'une très belle valeur ajoutée. La DGSE, sur le théâtre afghan, ne va pas s'interdire tout contact avec les talibans. Il faut bien se rappeler à l'époque que les talibans, c'est le mal absolu. À Paris, il y avait toutes des campagnes de presse, d'ONG, les présentants, et souvent en raison, comme des gens très peu fréquentables. Et ça fait partie typiquement du boulot de la DGSE d'aller au contact de ces gens infréquentables. Un service de renseignement, ce n'est pas un ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les services de renseignement, ils font ce qu'on appelle la diplomatie noire. C'est-à-dire que vous avez les diplomates dans un pays, ils fréquentent les gens qui sont les gens du pays, les gens au pouvoir, les opposants légaux, enfin des gens, bon, et ils s'informent sur ce qui se passe et ils échangent avec ces gens-là. Mais vous ne pouvez pas ne pas être au courant également de la face noire, c'est-à-dire de ceux qui sont des opposants au régime et qui veulent tenter de prendre le pouvoir. Parce que si un jour ils le font, si vous n'avez pas le moindre contact avec eux, comment vous allez faire ensuite? On s'est aperçu récemment, pour la Syrie, c'est que nous avons, à une époque, on a décidé de couper tous les contacts. Alors on a enlevé l'ambassade, d'un côté, donc on a coupé les contacts officiels, et on a coupé au niveau des services. Donc on a tout coupé. Hein? Alors, si vous coupez tout, comment voulez-vous savoir ce qui se passe? François Hollande a interdit tout contact entre la DGSE et les services syriens, en dépit de très très vieilles connexions, y compris du directeur général actuel avec les services syriens. C'est une fois de plus historique, la DGSE avait toujours eu d'excellents contacts. C'est pour le coup une vision politique des théâtres. Le président de la République a estimé que les Français n'avaient pas à discuter avec une personne comme Bachar el-Assad et son entourage. C'est dénaturer complètement le travail, mais là je ne donne que mon avis personnel, hein. Dénaturer le travail de la DGSE qui a pour travail premier d'aller dans ces zones sombres et noires et essayer d'en remonter du renseignement. Si la DGSE ne peut pas faire ça, la DGSE ne sert à rien. Quand on est membre de la DGSE, comme vous l'avez été Alain Chouet, qu'est-ce qu'on a le droit de dire à son entourage de ses activités ? Bon, d'abord, on ne cache rien à sa femme, hein, contrairement à ce qu'on raconte dans les fictions. Surtout que dans ce métier, on a peu d'amis, pour les raisons que vous imaginez, et qu'il faut quand même avoir un environnement social, et celui de la famille est quand même ce qu'on a inventé de mieux. Pour les autres, c'est selon. Hein. Bon, ceux qui ont connu votre parcours quand vous étiez jeune, vous ne pouvez pas les tromper très longtemps. Les autres, vous êtes employé au ministère de la Défense dans un bureau d'analyse, ce qui est tout à fait honorable, ou aux affaires étrangères ou autres. En général, le mieux, c'est d'être au ministère de la Défense dans un bureau d'analyse. Et si on vous demande de préciser un peu les choses, on précise pas. Faut pas mentir, hein. Le mensonge, c'est extrêmement difficile à manager. Quand on ment, on finit par se couper et raconter des sornettes. Donc, faut rester toujours au plus proche de la vérité, sans dire l'ineffable, hein, sans dire ce qui ne peut pas être dit. Dans le règlement interne de la boîte, vous êtes censé référer à un service de sécurité l'irruption de nouvelles relations dans vos vies. Oui, absolument. Dès que quelqu'un rentre un peu plus dans mon cercle de famille ou d'intimité, vous faites un compte-rendu, hein, bête. J'ai rencontré monsieur machin ou madame chose, tel jour, telle heure, tel endroit. Et puis ensuite, le service de sécurité va faire le checking de la personne. 999 fois sur 1000, ça ne donne rien. Hein, c'est... Il n'y a pas de problème. Et puis, une fois sur 1000, on s'aperçoit que l'interlocuteur en question n'est pas tout à fait blanc de poil ou qu'il sert les intérêts d'un pays étranger et que c'est un peu bizarre qu'il initie une relation. On n'est jamais tranquille dans ce métier. Hein. On ne sait jamais. Après tout, la personne qui vous aborde, c'est peut-être son premier coup et puis il n'est pas connu antérieurement et on ne sait pas quel est son pédigré. Bon, mais enfin, quand on a un peu de métier, on voit venir quand même les choses. Hein. Ce régime de sécurité, si on peut dire, ça vous coupe de beaucoup de gens. Oui, bien sûr, ça coupe de beaucoup de gens. D'abord, parce qu'il y a ce régime de sécurité, il y a surtout le fait d'un nomadisme permanent, hein, parce que quand vous changez de pays tous les 3 ou 4 ans, tout ce qui pouvait être cercle d'amis, etc., vous le perdez, il faut reconstituer ailleurs. Et puis, pendant que vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas continuer à entretenir les liens familiaux. Quand vous êtes à 4000 ou 5000 kilomètres, les liens familiaux, vous ne les avez plus. Les liens avec vos amis que vous aviez en France, vous ne les avez plus. D'un autre côté, vous vous faites aussi d'excellents amis à l'intérieur de la boîte, que vous gardez longtemps. On a beaucoup de solidarité dans cette boîte. Hein. Parce qu'on fait quand même un métier qui peut être dangereux, qu'il l'a été, on a des morts quand même, hein. Puis qu'on a souvent des aventures en commun dans des territoires difficiles, donc il se crée des solidarités qui sont, elles, beaucoup plus à l'épreuve du temps. Des morts à la DGSE, dans vos 30 ans de service, il a dû y en avoir. C'est pas excessif de dire que ça traumatise des services ou... C'est toujours une épreuve, hein, de voir un camarade qui se fait tuer. Quand on rentre dans cette boîte et qu'on postule certains emplois dans des zones exposées, on sait quand même que c'est pas sans risque. Quand on vous lâche un chargeur complet d'armes automatiques dans votre voiture alors que vous êtes au volant et avec quelqu'un à côté de vous... Ça vous est arrivé, ça ? Oui, ça vous fait une émotion quand même. Hein. Bon, alors le gars tirait mal. La preuve, c'est qu'on était deux à l'avant. Il y avait 32 impacts de balles dans la voiture. On n'a même pas eu un trou dans les oreilles. Bon, félicitons-nous, on a eu de la chance. Puis quand vous êtes pris un chargeur entier de calage dans la voiture, vous vous dites « je suis mort ce jour-là » et tout le reste, c'est du bonus. Hein. Ce qui explique que mieux vaut ne pas être excessivement anxieux pour faire ce métier-là. Faut garder son calme, oui. Faut pas se sauver en hurlant quand il arrive quelque chose. Faut se tirer vite fait avant que le type ait remis un autre chargeur dans sa calache. Avec Alain Chouet, ancien chef du renseignement de sécurité à la DGSE. Claude Moniquet, ancien correspondant. Alain Juillet, ancien directeur du renseignement, Jean Guinel et Jean-Dominique Merchet, journalistes, Jean-Christophe Notin, écrivain, et Karine Lachèvre, conservatrice au musée de l'armée. Réécoute et téléchargement sans limite sur franceculture.fr à la page de la série documentaire où vous trouverez également une bibliographie choisie. Documentation papier Corinne Chauvel, Archivina, Annie Lozana. Prise de son, Hervé Dubreuil et Fabien Gosset. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire d'Amaury Chardot et Julie Béressy. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez nous prendre en filature, bibliographie, lien, nous podcaster pour l'ambassade ou nous réécouter en secret, eh bien c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et demain, troisième épisode, à la guerre économique comme à la guerre. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tenk, notre partenaire, une plateforme qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs.